papier incessant va et vient d'idées, obscure intention d'une âme ailée qui me compte un rêve éveillé. Si l'encre de sa vie ride les démons de l'ennui, attendre les douze coups de minuit, laisser venir la fantaisie, chercher, toujours chercher. Refoulez.